Radiomatic. Il est décédé le 6 juillet 2020 à l'âge de 91 ans. Le compositeur italien Ennio Morricone amorçait la transmission 301 d'Audiomatic avec la pièce Mucho Selvaggio, ici remixée par le projet norvégien Kaun, mené par Kai Stoltz. La version originale de Mucho Selvaggio est tirée de la trame originale du film Mon nom est personne, réalisé en 1973 par Tonino Valeri. Les sonoristes vous accueillent au sein de l'horizon sonore illimité mais défini qu'est Audiomatic. À Audiomatic, la séquence se terminait sur la musique du projet Enk et sa pièce Running Barefoot apparaissant sur la compilation Frequencies of the Mind Volume 2, produite par l'étiquette de disque Mind Trick Records. Avant Enk, nous entendions le projet Come Trues et la pièce Laconism tirée de son plus récent album Persuasion System paru en 2019. Et on amorçait cette séquence avec Italtech et la pièce Diamond Child qui se retrouve sur son nouvel album Outland paru un peu plus tôt cette année. Il nous a malheureusement quittés trop tôt à 56 ans le 17 février 2020, mais il nous lègue une importante œuvre musicale. Voici à Audiomatic Andrew Weatherall. just not enough. Il semble qu'il s'agirait de la dernière parution officielle du projet québécois Handful of Snowdrops. De ce dernier mini-album The Impossible Dream, nous entendions la pièce-titre. Les sonoristes vous invitent d'ailleurs à découvrir la discographie de ce projet en consultant le profil de Handful of Snowdrops sur Bandcamp au handfulofsnowdrops.com. Bandcamp.com. Et pour débuter ce segment, nous vous avons présenté la musique de feu Andrew Weatherall, qui a fait partie de The Sabres of Paradise et Two Lone Swordsmen, en plus de faire carrière solo. De son single Unknown Plunderer, qui est paru 2 jours seulement après sa mort, soit le 19 février 2020, nous entendions la pièce Unknown Plunderer, remixée par Manfredas. Audiomatic se poursuit à travers l'univers sonore de Klaus Schulze. Thank you. À Audiomatic, cette séquence composée d'une unique pièce était l'œuvre de l'artiste allemand bien connu Klaus Schulze. Nous entendions la composition Death of an Analog tirée de son album Dig It, sorti en 1980. C'est avec le projet suédois Lonely Deer que nous terminerons cette transmission 301 d'Audiomatic. Tirée de son plus récent album homonyme paru en 2017, nous entendrons la chanson Little Jacket. L'occurrence de la prochaine transmission d'Audiomatic, soit la transmission 302, apparaîtra sur les ondes de CFOU 89.1 FM mercredi prochain dès 17h, avant de s'incruster dans nos archives accessibles à partir de nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic-CFOU. Voici Lonely Deer et la pièce Little Jacket. C'était Audiomatic avec les sonoristes.